Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'attentat perpétré par Lazala à l'aéroport d'Orly le 15 juillet 1983. Cet acte meurtrier nous replonge dans le Paris du début des années 80, en cœur d'une époque où les nébuleuses terroristes d'Abou Nidal et de Carlos sèment la terreur à coups de colis piégés ou d'attaques à l'arme automatique en plein cœur de la capitale. Ces années, sorte d'années de plomb à la française, sont celles d'un terrorisme qui vise à briser le silence médiatique autour de causes tiers-mondistes, identitaires ou historiques, parmi lesquelles est dans cette dernière catégorie celle du peuple arménien, premier royaume chrétien de l'histoire, mais aussi première nation meurtrière par un génocide au XXe siècle, bien avant les Juifs, les Cambodgiens ou les Rwandais. Leur objectif est de faire connaître et reconnaître au monde entier le crime de masse dont leurs parents ont été victimes et qui a conduit entre avril 1915 et juillet 1916 à l'extermination de près de 1,5 million d'entre eux, soit les deux tiers de la population arménienne par ce qui était alors l'Empire ottoman, les Turcs. Après 60 ans d'indifférence, ces justiciers du génocide entrent dans la lutte armée. Un temps toléré, ce combat va finir par se dissocier de la cause arménienne, laissant sa place à une folie meurtrière unilatérale qui va commettre l'irréparable jusqu'à atteindre le paroxysme de la terreur à l'aéroport d'Orly ce 15 juillet 1983. Notre invité, Gaïtz Minassian, journaliste au Monde, auteur d'un excellent ouvrage de synthèse sur le sujet intitulé « Guerre et terrorisme arménien » paru aux presses universitaires de France en octobre 2002. Il vient de publier 1915, le rêve briser les Arméniens chez Flammarion. Nous le retrouverons en seconde partie d'émission. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attachée de production, Léa Dupuy-Henquin et Ida Bory, coordination Christophe Barrère, réalisation Pierre Jabot, Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, programmation musicale Thierry Dupin, comédien Philippe Pirard, à la technique aujourd'hui Tristan Gratalon, Sacha Trop. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, aéroport d'Orly, vendredi 15 juillet 1983. Dans le grand hall du terminal sud, qui accueille la plupart des vols internationaux, il y a foule. Au bas mot, près de 2000 personnes. Certaines attendent pour enregistrer leurs bagages, d'autres pour embarquer ou encore l'arrivée d'un proche. Dehors, le soleil est à son zénith, la chaleur semble étouffante, il fait plus de 30 degrés. L'air sent le kérosène et le goudron surchauffé, ambiance habituelle d'un aéroport en été. Un certain charme en ces temps où les contrôles tatillons des bagages et des personnes n'a pas encore transformé le voyage en avion en calamité majeure. Sur les parkings devant le terminal, une dispute éclate entre un chauffeur de taxi et un conducteur de bus. Il y a comme une tension palpable, mais enfin rien. Rien à cet instant ne laisse imaginer le scénario qui va se dérouler au cœur même du second aéroport français, situé à seulement 12 km du sud de Paris. C'est sur le coup de 14h que débute au comptoir numéro 62 l'enregistrement des bagages du vol de la Turkish Airlines pour Istanbul. La centaine de passagers qui doit embarquer à bord du Boeing 727 de la compagnie nationale turque se presse et forme une file indienne, bagages à la main. Dans ce capharnaüm habituel, personne ne prête attention à un homme de type moyen-oriental qui propose à des passagers de lui prendre son bagage, une grosse valise de couleur foncée. Il prétend être déjà trop chargé et propose 65 $ à qui voudra bien lui rendre ce service. L'un des passagers accepte. L'homme fait semblant de reprendre sa place dans la file, puis s'éclipse discrètement. Une dizaine de minutes plus tard, un bruit assourdissant envahit l'aéroport. Les vitres et vitrines se brisent les unes après les autres, une boule de feu monte jusqu'au plafond, une épaisse fumée noire semble se dégager près du comptoir de la Turkish Airlines. Quelque chose a explosé, le souffle de la détonation projette corps et objets sur plusieurs mètres. Puis on entend des cris de douleur et d'effroi. Dans la panique, certains tentent de fuir par la sortie. Le grand hall des départs du terminal sud de l'aéroport d'Orly est devenu chaos. Les premiers témoins racontent. Et je partais, mais d'un coup j'ai vu un boom, une valise a explosé, il y avait plein de flammes, De la fumée, les gens déchirés, le visage déchiré. Une valise oui, mais j'ai vu la valise qui était par terre, qui flambait, les gens qui couraient partout. Mais est-ce que vous avez vu, vous, venir l'explosion? J'avais la tête tournée et j'ai vu, oui, j'ai vu le plage, je veux dire, ça a dû exploser peut-être à 20 mètres. Le hall était littéralement bourré de monde, c'était le métro à 6 h le soir. Hein. Les hôpitaux vous attendez, les victimes sont traitées sur place. Cette valise qui semble avoir explosé, c'est justement celle de l'individu qui tentait quelques minutes plus tôt de trouver quelqu'un pour la transporter jusqu'à Istanbul. L'homme qui l'avait prise en charge et qui pensait réaliser une bonne affaire venait juste de la poser sur la rampe des bagages du comptoir. C'est à cet instant précis que l'explosion s'est produite. Arrivés sur place quelques minutes seulement après le drame, les secours découvrent des corps inanimés baignant dans le sang. Le plafond est essoufflé, le comptoir d'enregistrement est défoncé, des restes de bagages jonchent le sol, la chaussée à l'extérieur du terminal est remplie de bouts de verre. C'est le préfet du Val-de-Marne qui coordonne les opérations. Les blessés les plus graves sont héliportés vers les hôpitaux parisiens. Immédiatement, décision est prise de transférer tous les vols au départ du terminal sud vers le terminal ouest. L'accès à tout l'aéroport est bouclé par les forces de l'ordre qui craignent une seconde explosion. Un peu plus loin, à l'extérieur du terminal endommagé, à l'arrière de l'un des fourgons de secours, le chef des pompiers dresse le bilan provisoire de la catastrophe sur un grand tableau blanc. Alors le bilan à 16h19. À 16h19. Alors il y a toujours trois personnes décédées. D'accord. 17 victimes graves transportées par hélicoptère. 17 victimes. Oui. Et 19 victimes transportées par ambulance de réanimation attention, et VSAB. On en est entre 20 et 25. Hein. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Ambulance. Au bout du compte, 8 morts et 56 blessés. C'est à ce moment l'acte terroriste le plus sanglant qu'ait connu la France depuis la fin de la guerre d'Algérie. Une heure après le drame, alors que les services de secours évacuent les blessés, vers 15h30, l'agence France Presse à Paris reçoit un appel téléphonique anonyme. Une voix d'homme qui affirme aux journalistes que la cible, ce sont les intérêts turcs et que l'attentat est l'œuvre de l'Asala, l'organisation de l'armée secrète de libération de l'Arménie. Puis il ajoute. Le seul responsable de cet événement est le gouvernement français, qui n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris avec les Arméniens pour défendre et appuyer leur cause sur la scène internationale. La Salah frappera encore, et quand elle le voudra, partout où il le faudra, pour que le gouvernement français prenne ses responsabilités et que soit entendue la cause arménienne. C'est une revendication en bonne et due forme. Deux heures plus tard, le Premier ministre Pierre Mauroy arrive à Orly. Devant les journalistes, il ne cache pas son émotion. Il condamne fermement cet attentat et affirme que la France se dressera contre toutes les formes de terrorisme, aussi aveugle soit-il, et que la justice amènera les coupables devant les tribunaux de la République. Je cite le Premier ministre. Quant aux policiers, ils en sont première constatation. La déflagration serait due à une dose plastique de type militaire, environ 500 grammes, reliée à deux bouteilles de gaz. Un système mis au point pour tuer, ça paraît clair. Le soir même, alors que la nouvelle de l'attentat fait l'ouverture de tous les journaux télévisés, Alfortville ou Arnouville, grand foyer de la diaspora arménienne dans la banlieue parisienne, de nombreuses voix s'élèvent pour protester contre cette action qui ne reflète pas, selon elles, la vraie nature du combat arménien. Oui, le mur du silence doit être brisé pour que soient entendues les revendications arméniennes. Mais non, non, il n'est pas question de cautionner ni de participer à la mort d'innocents, insiste le comité de défense de la cause arménienne. De son côté, le mouvement national arménien, le MNA, par l'intermédiaire de son porte-parole, Ara Toranyan, affirme que ce terrorisme tel qu'il a eu lieu à Orly n'est pas l'acte des Arméniens, mais l'acte d'individus qui tentent de s'accaparer la lutte arménienne. Nuance. Parmi ceux qui condamnent cet acte de l'Azala, il y a aussi le journaliste Pascal Manoukian. Devant les caméras d'Antenne 2, il s'en explique, mais il ne peut s'empêcher de défendre la nécessité d'une certaine forme d'activisme. Écoutez, un acte comme aujourd'hui est indéfendable, c'est un acte criminel et lâche, et qui ne fera en rien avancer la cause arménienne. Et je suis persuadé que ce soir, la majorité de la diaspora, pour pas dire la diaspora dans son ensemble, sera de cet avis. Maintenant, le danger, c'est qu'il ne faut pas que cette réalité-là cache une autre réalité, bon, qui est la réalité arménienne. Il existe des problèmes arméniens. Les Arméniens ont accepté en 1975, pour sortir un petit peu cette cause arménienne de l'oubli, une certaine forme d'activisme, qui était un activisme ciblé. Et je crois qu'en aucun cas, ils sont prêts à accepter un activisme aveugle comme celui d'aujourd'hui. Aveugle parce que la Sala est un mouvement qui est né à Beyrouth, que Beyrouth a été évacué, et que la Sala se trouve divisée militairement et certainement idéologiquement aussi, et qu'il y a une scission en ce moment, il y a une fraction dure et une fraction modérée, et que la fraction dure devient incontrôlable, comme c'est le cas dans beaucoup de mouvements activistes. 6 millions d'Arméniens sont dispersés à travers le monde, et que la Turquie continue à nier le génocide. Et on se trouve dans cette situation étrange où les revendications de la Sala sont comprises par l'ensemble de la diaspora, mais les méthodes, et notamment les dernières méthodes aveugles de la Sala, sont-elles condamnées ? Par la voix de son ambassadeur en France, la Turquie réagit bien sûr. Elle dénonce un acte atroce, ignoble et lâche d'un peuple inconscient de son histoire. Les représentants turcs ajoutent « C'est la preuve irréfutable du danger que font peser les organisations nationalistes arméniennes pour la communauté internationale ». Alors en position de force, car son pays est dans la position de la victime, l'ambassadeur turc Boulak Adnan se permet de renvoyer la balle aux Arméniens sur la question du génocide, faisant preuve d'une certaine inclinaison pour le négationnisme et sans complexe. Le mot de génocide, tellement aimé et répété par le mass média français, ne reflète pas certainement, comme vous savez, notre point de vue. Nous disons qu'il n'a pas eu des tueries préméditées. Et si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil dans l'article qui est apparu dans Le Monde il n'y a pas longtemps, sous ma signature, là il y avait un tout petit paragraphe dans lequel je disais comment est-ce qu'on peut penser que ces Ottomans, ces Turcs, mes aïeux, un bon matin de 1915 se sont réveillés pour décider d'aller exterminer les Arméniens. Est-ce qu'on peut croire une chose pareille ? Est-ce possible ? Possible. Les éléments détenus par certains historiens le prouvent, monsieur l'ambassadeur. Évidemment, cette interview est vécue comme une nouvelle provocation par les Arméniens et cette journée comme une double peine. D'abord, ils sont désignés comme les coupables d'un terrorisme qui en réalité les a dépossédés de leur cause. Et dans le même temps, ils assistent à la victimisation du régime d'Ankara qui exploite à fond la situation. Mais pour bien saisir de quoi il est question ici, dans un cadre qui oppose les Arméniens aux Turcs sur fond d'un génocide qui célèbre cette année son centenaire, il est nécessaire de revenir aux origines pour comprendre comment ce peuple meurtri par l'histoire a pu enclencher malgré lui le mécanisme infernal de terreur dont l'attentat d'Orly le 15 juillet 1983 constitue le paroxysme. Pourquoi donc irais-je encore à la guerre ? Après ce que j'ai vu avec ce que je sais, où sont-ils à présent les héros de naguère ? Ils sont allés trop loin chercher la vérité. Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent. Tant de fois le cœur gros, je les ai vus passer. Elles berçaient pour moi des rêveries anciennes, illusions d'un enfant dont il n'est rien resté. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères. Bleuets, coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez. Tout ce que l'on apprend dans le regard des femmes, ni le feu, ni le fer n'y pourront jamais rien. Car l'amour et lui seul survit parmi les flammes. Je ferai ce qu'il faut pour défendre le mien. Pourquoi donc irais-je offrir ma jeunesse. Alors que le bonheur est peut-être à deux pas, je suis là pour t'aimer, je veux t'aimer sans cesse, afin que le soleil se lève sur nos pas. Nous sommes le 23 avril 2015, il y a 100 ans, jour pour jour, dans la région du Caucase, un peuple était à la veille d'en exterminer un autre. Crime contre l'humanité qui commence à l'aube du 24 avril 1915, lorsque le gouvernement des jeunes turcs fait arrêter tous les intellectuels de Constantinople sans prévenir, comme ça, brutalement. 600 personnes sont exilées au fin fond de l'Anatolie, elles n'en reviendront jamais. Commence alors pour les Arméniens un cauchemar, mille fois répété, selon le même scénario. Les hommes valides incorporés dans l'armée sont désarmés, donc privés de moyens de résistance. Tous les autres Arméniens âgés de 15 à 70 ans sont conduits en dehors des villes, dans des convois. Une fois à l'écart, à l'ombre des collines, ils sont massacrés par les militaires turcs à coups de sabre, de couteau ou de fusil. Ensuite, le pouvoir ottoman décide de déporter le reste de la communauté arménienne. Alors, les femmes, les enfants et les vieillards partent dans des convois infernaux et traversent le désert où ils sont battus pour les uns, violés pour les autres, morts de déshydratation ou de faim pour les plus jeunes. Ceux qui survivent ne sont pourtant pas au bout de leur peine, car une fois arrivés, ils sont sommairement égorgés et enterrés dans des fosses communes. Des images épouvantables, gravées à jamais dans la mémoire des rescapés. En 1980, 65 ans après, l'une des victimes, une femme qui avait 14 ans à l'époque, témoigne. On était à Deir ez-Zor, au cœur du désert, et il n'y avait pas d'eau. Ils devaient nous emmener à Mossoul. Alors, ils nous ont fait tourner dans le désert et nous enjambions un grand nombre de cadavres. C'était affreux. Certains avaient un bras d'un côté, un corps sans tête de l'autre, tous éparpillés. Vous savez, ces gens-là n'ont jamais eu de cimetière. Ils nous faisaient tourner pour nous empêcher de voir l'eau. On évitait les points d'eau, ni eau, ni herbe. On était dans le désert. Et le matin, tout recommençait. Alors il nous disait, debout et en marche. Je ne peux pas vous dire combien de filles ont été violées. Les femmes enceintes ont été éventrées. Ils leur retiraient les fœtus du ventre. Mais que vous racontez? Il y en a tellement à raconter. Et je pense que les Français doivent connaître cela. Quand on est parti pour Deir ez-Zor, on était 50 000 Arméniens de ma province. Il n'en est pas arrivé 10 000 à Mossoul. Tout le reste a été massacré. Ils sont tous morts. En l'espace d'un an, près de 1,5 million de personnes sont exterminées. Le peuple arménien est anéanti, il ne reverra jamais ses terres et demeure condamné à l'exil. Face à ce drame humain que l'histoire inscrit comme le premier génocide du XXe siècle, le gouvernement turc, lui, ne va cesser de nier. D'abord, il s'emploie à réduire l'importance des massacres dans une querelle de statistiques qui transforme les souffrances en chiffres froids. Ensuite, il trafique des documents d'époque et va même jusqu'à évoquer un complot des Arméniens avec les Russes contre le peuple ottoman, ce qui rendrait les Arméniens responsables de leur malheur. Couronnement de cette dialectique négationniste de la part des Turcs, on trafique des dates et des événements impliquant des Arméniens en 1917 pour justifier la répression de 1915, ce que les Turcs prennent soin de ne pas qualifier de génocide. À l'image d'ailleurs de ce qu'en dit un diplomate d'Ankara, interrogé sur la responsabilité de son pays dans la tragédie arménienne. Nous considérons le problème arménien comme un problème tout à fait artificiel et nous voudrions que l'Europe, une fois pour toutes, cesse de s'apitoyer sur les soi-disant victimes arméniennes. On doit parler aussi des victimes turques pendant cette époque. Il n'y a pas un seul Turc de l'Est dont un membre de la famille n'ait pas été tué par les Arméniens. Pourtant, ceux qui défendent la thèse du génocide ont des preuves et des documents pour étayer ce qu'ils avancent. Parmi eux, l'historien Yves Ternon. En 1982, invité sur France 2, il lève le voile sur les motivations qui ont poussé le régime turc à commettre ce génocide des Arméniens. Pourquoi ce génocide? Mais très simplement pour régler, à la faveur de la guerre, un problème en suspens depuis 50 ans. C'est le vieux problème arménien qui était un des éléments de la question d'Orient et qui agitait les diplomaties internationales. Les jeunes turcs l'ont réglé très facilement en extirpant l'interlocuteur, en éliminant l'adversaire, en déracinant un peuple qui vivait là depuis 27 siècles et qui se trouvait gênant non seulement pour l'unité turque, mais également pour les aspirations du panturquisme à une plus grande Turquie. Il y a eu un ordre d'extermination qui a été donné par... Alors, comment s'agit-il vraiment d'un génocide? Oui, c'est indiscutable, car tous les documents, je ne veux pas rentrer dans les détails, démontrent à l'évidence la volonté du gouvernement central d'exterminer tous les Arméniens, et il s'agit bien d'un génocide, car d'ailleurs le seul élément qui est reconnu à la fois par la Turquie et par tous les autres historiens est l'ordre de déportation donné le 24 mai 1915 et qui, selon la convention de 1948 du génocide, suffit à démontrer le génocide. Et toutes les courroies de transmission prouvent que le gouvernement central a utilisé les moyens de la bureaucratie et de la technologie la plus moderne alors pour éliminer totalement un peuple. Il faut attendre l'année 1965, cinquantenaire du génocide, pour assister au réveil arménien grâce à une nouvelle génération éduquée et élevée dans les pays occidentaux. Celle-là revendique une cause qui s'inscrit désormais dans un contexte politique plus global, celle des mouvements de décolonisation. Mais c'est en 1975, pour les 60 ans du génocide, qu'un tournant décisif est pris dans la conscience arménienne. Et c'est aussi et surtout la fin du silence. Depuis des années, sur la scène internationale, le cas du génocide arménien se fait une place dans les couloirs de la diplomatie. Il faut attendre le 28 mars 1973 pour que ce fait historique soit enfin mentionné dans un document officiel des Nations Unies. D'abord avec un rapport préliminaire qui reconnaît les faits, les exactions des Turcs. Mais un an plus tard, un délégué de Turquie obtient que soit effacé de la version finale. C'est l'affaire du paragraphe 30. En réaction à ce terrorisme de l'esprit que pratiquent habilement les diplomates turcs, des groupes arméniens vont répliquer par un terrorisme des armes contre ces mêmes diplomates. S'inspirant des causes tiers-mondistes qui trouvent leur salut dans le terrorisme de communication des années 70 sur le principe selon lequel le sang offre plus de visibilité dans les médias que la parole, deux mouvances principales vont ainsi apparaître et jouer des coudes. D'un côté, on trouve le commando des justiciers du génocide qui appelle à la mobilisation des Arméniens pour leur cause. De l'autre, une mouvance marxiste, la SALLA, acronyme d'Armée secrète de libération de l'Arménie, qui revendique le droit de parler au nom de tous les Arméniens. Radical, la SALLA sera à l'origine de près de 8 attentats sur 10 commis contre des diplomates turcs. C'est par l'intermédiaire du mouvement national arménien dirigé par Arat Oranian que la SALLA trouve un relais politique en France. Comme en ce soir de mars 1982 où les MENA organisent un grand rassemblement au Palais de la Mutualité. Alors que dans la souffrance de l'exil et de la paix et de la patrie, les Arméniens agissaient pacifiquement, ne serait-ce que pour faire reconnaître officiellement le génocide. Qui, quel État s'est-il honoré en faisant écho aux revendications de notre peuple? Qui, De Gaulle? Qui, Kennedy? Qui, Rousseff? Mao Zedong? Kadhafi? Mitterrand? Invité sur les plateaux de radio et de télévision, Arat Oranian se fait l'écho des revendications arméniennes qu'on trouve derrière chaque événement de la SALLA. C'est ainsi que va s'organiser un terrorisme ciblé contre les diplomates turcs à travers toute l'Europe, mais aussi aux États-Unis. En l'espace de 5 ans, pas moins de 20 diplomates turcs sont assassinés et plus de 200 personnes blessées. Cette vague d'attentats touche en premier lieu la France. L'acte le plus spectaculaire étant la prise d'otages réalisée par la SALLA au consulat de Turquie à Paris le 24 septembre 1981. Elle fait un mort, un employé turc et 5 blessés. Face aux caméras du monde entier, la cause arménienne est exhibée. Fascinée par ceux qui se définissent comme des martyrs de la cause, la communauté arménienne va tolérer l'action de ces groupuscules qui permettent d'apporter enfin la lumière sur les faits, la tragédie, 66 ans après. Du côté des autorités françaises, une section des renseignements généraux est chargée d'identifier et de suivre les déplacements des groupes arméniens. La DST, elle, reste sur le qui-vive. La France est inquiète face à des actions à répétition de petits groupes isolés et elle appelle la communauté arménienne à un retour au calme, à l'image de ce discours à l'Assemblée du ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre. Le gouvernement ne confond pas. Ceux qui veulent se faire justice, les armes à la main, et ceux qui vivent en France et y remplissent pleinement leur rôle de citoyen français, mais je voudrais demander à cette communauté de comprendre qu'elle ne doit en aucune façon apporter son soutien à ceux qui, pour atteindre un but politique, emploient le moyen de la force, le terrorisme et l'agression. Et je déplore que depuis que cet Arménien a été arrêté, des attentats aient été commis. Je lance un appel à tous les Arméniens, quels qu'ils soient, pour qu'ils comprennent que la solution de leur problème n'est pas dans le terrorisme. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'attentat d'Orly en 1983 perpétré par la Salah, groupe terroriste arménien. Notre invité, Gaïtz Minassian, journaliste au Monde, auteur d'un ouvrage de synthèse sur le sujet, sur l'Arménie, intitulé « Guerre et terrorisme arménien ». Nous lui donnerons la parole dans 10 minutes. Fin 81, François Mitterrand est à l'Élysée depuis 7 mois et le gouvernement français compte parmi ses membres de nombreux ministres pro-arméniens. Cette cause s'inscrit donc sous les meilleurs auspices pour essayer d'avancer sur le chemin de la reconnaissance du génocide. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Claude Cheysson, en reconnaît la réalité dès 1981. En 1982, le parti Dashnak, la Fédération révolutionnaire arménienne, se rapproche des socialistes et des accords sont conclus pour désarmer les groupes de la lutte armée arménienne, dont les commandos de justiciers du génocide et bien sûr la Salah. Tout cela en échange du soutien inconditionnel des autorités françaises pour la reconnaissance du génocide sur la scène internationale. On pense alors que tout va s'arrêter, mais il est déjà trop tard, car à plus de 3000 km de là, à Beyrouth, la Salah est entrée dans un mécanisme irrationnel et infernal d'autodestruction. En effet, au même moment, la Salah est ravagée par des luttes internes qui la rendent incontrôlable. Son leader charismatique, Agop Agopian, est même accusé d'exploiter les tensions pour mieux servir ses intérêts. Fasciné par l'OLP, Agopian s'est encore radicalisé après l'invasion du Liban par Israël. Il est désormais proche du Fatah et du groupe Abou Nidal. C'est ainsi qu'au début de l'année 83, la Salah dérape et se lance dans une vendetta contre tous les traîtres présumés au sein même de son organisation. Ara Toranian, le porte-parole et bras politique de l'organisation, est victime d'une tentative d'assassinat. Puis la Salah tente aussi d'éliminer deux de ses membres les plus importants, Yeni Komchian et Melkonian. Le groupuscule se lance dans une chasse à l'homme aux quatre coins de l'Europe. À partir de là, la Salah se détache de la véritable cause arménienne. Elle n'est plus qu'une nébuleuse terroriste qui agit dans son propre intérêt et sous influence du terrorisme syrien et de l'OLP. C'est dans ce cadre-là qu'intervient l'attentat d'Orly. Juillet 1983. Dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, entre à Paris et convoque les responsables de tous les services de police et de la lutte antiterroriste. Il leur demande de fournir au commissaire de la police criminelle, Jean Sial, la liste des personnes d'origine arménienne ou proche-orientale arrivées en France récemment et susceptibles de conduire des actes terroristes sur le territoire. Deux jours plus tard, le lundi 18 juillet à 6h du matin, coup de filet de la police dans les milieux arméniens. 56 personnes sont interpellées. Parmi elles, 20 sont expulsées et 11 autres sont inculpées pour l'attentat d'Orly. La Salah, branche française, est démantelée. Apparaît alors le nom de Varayan Garbidjan, un Syrien de 29 ans, le chef présumé de la Salah en France. Il avoue avoir organisé l'attentat d'Orly. Toujours selon Garbidjan, la bombe aurait dû exploser lorsque l'avion était en vol pour qu'il y ait davantage de victimes et que la France ne soit pas directement touchée. Mais une erreur dans la confection de l'explosif l'a rendu instable et l'engin a explosé beaucoup plus tôt que prévu, alors que la valise dans laquelle il était placé a été déposée sur le tapis des bagages au comptoir d'enregistrement. Dans les jours qui suivent cette vague d'arrestations, Arat Oranian, le porte-parole du mouvement national arménien, bras politique de la Salah en France, est lui aussi arrêté par la brigade criminelle. Libéré au bout de 24 heures, il se confie aux journalistes. Il nous a interrogé pour savoir si il y avait eu dans le passé ou maintenant des relations logistiques entre le mouvement national arménien et la Salah, si nous avions porté des valises, si nous étions en gros le support de la Salah. Si vous voulez, nous sommes une organisation politique. C'est vrai que nous soutenons dans une certaine mesure la lutte armée contre l'État turc à condition qu'elle soit ciblée contre des diplomates et non pas du tout les actions aveugles. Quant à nous, nous agissons complètement à visage découvert et il nous semble tout à fait improbable et stupide que la Salah ait besoin de militants qui œuvrent à visage découvert pour agir, elle, clandestinement. Deux ans plus tard, en février 1985, le procès des trois terroristes arméniens accusés d'avoir fomenté l'attentat d'Orly s'ouvre, le 3 mars. Malgré les zones d'ombre sur les motivations du commando, Garbidjan est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ses deux complices, deux jeunes turcs d'origine arménienne accusés d'avoir acheté les bouteilles et d'avoir aidé à la préparation de l'attentat, sont respectivement condamnés à 18 et 15 ans de prison. Pendant le procès, de nombreux chercheurs turcs invités par les parties civiles sont venus témoigner et ont profité des audiences pour dénoncer un crime de sang fondé sur une donnée historique erronée selon eux. Nouvelle provocation pour les Arméniens. En 2001, 18 ans après les faits, le principal condamné Garbidjan est libéré et expulsé vers l'Arménie. Mais le contentieux entre Arméniens et Turcs continue et il continuera tant que la Turquie refusera de reconnaître le génocide par les Ottomans qui ont exterminé le premier peuple chrétien de l'histoire, les Arméniens, il y a tout juste 100 ans. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music. Do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Affaire sensible aujourd'hui de l'attentat d'Orly en juillet 1983, perpétré par Lassala, le groupe arménien terroriste. Notre invité aujourd'hui, Gaïts Minassian, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, service débat, vous êtes l'auteur d'un excellent ouvrage, hein, vraiment de synthèse sur le sujet, intitulé « Guerre et terrorisme arménien », paru aux presses universitaires de France en octobre 2002, et vous venez de publier « Arménien, le temps de la délivrance CNRS édition » et 1915, le rêve brisé des Arméniens chez Flammarion. On est bien d'accord pour cette bibliographie prolixe. Ouais. Alors, on va parler du terrorisme arménien, en s'adossant donc sur cet attentat d'Orly en 1983, et puis on va parler ensemble du génocide, les causes des génocides, et puis le comportement de l'État turc par rapport à la reconnaissance du génocide. C'est le moment ou jamais, puisque demain on célébrera. Oui, si je puis dire, enfin, on célébrera, oui, en tant que... Commémorera. On commémorera. Enfin, le mot exact, c'est commémorera. Évidemment, le début du génocide, puisqu'il a commencé à l'aube du 24 avril 1915. Voilà. Le terrorisme arménien semble ambivalent. Il est à la fois international et à la fois c'est une petite organisation. Enfin, c'était dans les années 80 une petite organisation qui agissait dans l'ombre avec des cibles très particulières. Comment on pourrait résumer le mode opératoire et finalement ce qu'a été le terrorisme arménien? C'est un terrorisme de type identitaire, publicitaire, mémoriel. C'est un terrorisme transnational, international sur la fin, c'est-à-dire qu'il est, il est rentré, notamment avec la Salah d'Agop Agopian, sur la fin dans une forme de terrorisme international, c'est-à-dire que dès lors que les attentats ne sont plus ciblés, eh bien, ils servent d'autres intérêts. Et des intérêts de pays qui sont des sortes de parrains, entre guillemets, de cette organisation qui s'appelle donc la Salah. Alors, aujourd'hui, la cause arménienne ne s'exprime pas en lettres de sang. Non. Il y a un État souverain. Il y a un conflit avec, comme vous le savez, avec l'Azerbaïdjan voisin. Oui. À propos de la province du Haut-Karabakh. Absolument. Qui est une république autoproclamée. Qui a débouché sur des affrontements il y a quelques années. Il y a eu des affrontements très, très violents entre 88, 89, on va dire, et 94. Et depuis, il y a un cessez-le-feu qui est maintenu, plus ou moins, parce que tous les jours, on apprend qu'il y a des violations du cessez-le-feu par-ci, par-là. Et depuis donc 94, eh bien, fort heureusement, la guerre n'a pas repris, mais le cessez-le-feu est assez fragile, même si la communauté internationale, notamment les États-Unis, la France et la Russie, qui co-président un groupe de contact qu'on appelle le groupe de Minsk, qui est dépendant de l'OSCE, donc essaye, dans le cadre d'un format de paix, essaye de ramener une position commune pour les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Et ce n'est pas facile parce que les deux parties s'appuient sur des normes internationales qui sont totalement différentes. Pour les Arméniens, c'est le droit, la défense du droit à l'autodétermination. Et pour les Azerbaïdjanais, c'est la défense du principe d'intégrité territoriale. Et donc, les médiateurs essayent de trouver une solution de compromis sans aller jusqu'à laisser les deux parties s'entre-déchirer, bien entendu. Et ils essayent de faire le maximum, mais c'est pas évident parce que les mentalités ne sont pas prêtes, parce que la démocratie est une valeur plus que éphémère pour l'instant dans cette zone. Et tant qu'il n'y a pas de démocratisation des sociétés et des États, vous aurez un climat de tension permanent. Et c'est valable pour l'ensemble des pays, pas uniquement pour cette région. En 1983, je reviens au fait qui nous intéresse aujourd'hui comme base de discussion, donc l'attentat a lieu à Orly. Orly, c'est Paris, c'est la France. Pourquoi en France? Est-ce qu'on a la réponse à cette question-là? Alors, pourquoi l'attentat d'Orly a eu lieu en France? Eh bien, alors, tout simplement, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, parce que la France occupe une place particulière au Liban. Il faut se rappeler ce qu'est le contexte en 83. Donc, on sort de l'opération Paix en Galilée. Donc, c'est l'invasion du Liban par Israël. Le Liban est en guerre depuis 75. Et vous avez toutes sortes d'organisations terroristes dans la région, et notamment au Liban. Dans la région, si je m'entends, c'est-à-dire à la fois Proche-Orient, c'est-à-dire Syrie, Jordanie et compagnie. Et je d'après ce que moi et ce que j'ai découvert dans mes recherches, etc., et toutes mes lectures et mes entretiens, il s'avère que la Sala, à partir de 1982, vous l'avez bien dit dans votre synthèse, a été bouleversée par l'opération d'Israël au Liban et a dû se restructurer en faisant même passer pour mort Agop Agopian dans les bombardements israéliens sur Beyrouth. C'est-à-dire, la Sala a annoncé la mort d'Agop Agopian. Je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où ils sont allés pour créer un leurre comme ça. Et la Sala, qui était proche des Palestiniens, comme vous l'avez dit, mais aussi proche des Syriens. Et d'après donc tout ce que je viens de vous dire, il semblerait que oui, la Sala soit tombée entre les mains des Syriens d'Hafez al-Assad. Voilà. C'est ça, donc, la Syrie, dont la France était une cible. Voilà, la cible pour sa politique au Liban. La Syrie a voulu faire payer à la France sa politique au Liban, par l'intermédiaire de la Sala, de Agop Agopian, ce canal radical de la Sala. D'où la scission aussi. Parce que le canal historique dont vous avez parlé, vous avez mentionné les deux noms, c'est-à-dire Alek Yeni Komchian et Montemel Konyan, était plutôt fidèle à une tradition ciblée du terrorisme arménien. Alors, les Arméniens, ils vont dire, c'est pas du terrorisme, c'est de la résistance, c'est de la lutte armée, mais bon, c'est du terrorisme, je veux dire, à un moment donné, il faut parler... Quand on pose une bombe, c'est clair. Exactement, ouais. Donc c'est du terrorisme. Alors après, il faut essayer de le contextualiser, il faut essayer de se dire que c'est d'inspiration palestinienne. Il faut savoir ce que c'était que l'Europe ou le Proche-Orient dans les années 70. Je veux dire, il n'y avait pas un mouvement qui n'avait pas son bras armé. Et donc, les Palestiniens avaient un bras armé, les Irlandais... Les Corses, les Basques, il y avait même fraction armée rouge, souvenez-vous, en Allemagne, ou les brigades rouges, rien que pour la partie européenne et proche-orientale, sans compter tous les mouvements palestiniens. Et donc les Arméniens aussi avaient leurs deux organisations clandestines. Alors, il y a une autre question qui est intéressante, c'est celle de l'adhésion des Arméniens, j'allais dire des civils, enfin, qui sont pas impliqués dans l'action politique et l'action politique violente, l'adhésion ou la non-adhésion par rapport aux méthodes violentes. C'est une question intéressante, c'est un paradoxe, parce que ce mouvement de lutte armée, il va vite trouver le soutien des mouvements arméniens pour la reconnaissance du génocide, avant que ceux-ci ne décident, à l'image du mouvement national arménien d'Aranian, de s'en éloigner, de réfuter les liens. Il y a une transition, il y a des questions, il y a des adhésions ou pas adhésions. Est-ce qu'il faut aller dans le terrorisme ou pas? Est-ce que ça représente les Arméniens, quoi? En fait, pendant à peu près 30-40 ans, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 75, donc à peu près pendant 30 ans, les Arméniens ont essayé, d'après ce que l'on sait, d'obtenir une reconnaissance de la part de la Turquie ou des États dans lesquels ils vivaient, une reconnaissance du génocide des Arméniens, et rien n'avançait. Rien. Il n'y avait rien. Un député par-ci, un sénateur par-là, un maire par-ici ou un conseiller régional par-là. Donc rien. Franchement, rien. Le premier pays qui reconnaît le génocide des Arméniens, c'est l'Uruguay en 65. Vous avez mentionné dans votre synthèse l'affaire du paragraphe 30, qui va provoquer quand même une sorte de stupéfaction et d'une forte déception. En 74, vous avez aussi la crise de Chypre, quand la Turquie lance son opération Attila pour envahir Chypre. Et là, ça va provoquer quelque chose encore plus fort. Mais au niveau des Arméniens, si on reste dans une problématique arménienne, eh bien, vous avez un combat à l'intérieur, un double combat. Vous avez le combat de la deuxième génération intégrée qui veut jouer la carte totalement légaliste, etc., contre une troisième génération qui veut revendiquer ses droits, son identité de manière différente, et le deuxième, donc qui veut agir, et un deuxième clivage entre ceux qui veulent l'action exclusivement légale auprès des parlements, des gouvernements, des partis, des opinions publiques, et ceux qui veulent pratiquer, qui sont minoritaires, qui veulent pratiquer la lutte armée, la violence politique, pour faire entendre leur voix. On va écouter une voix intéressante, celle de Jean Altounian, représentant de la Fédération révolutionnaire arménienne d'Ashna, qui parle des racines du terrorisme intrinsèque à la Sala. On l'écoute. Moi, je crois que, en ce qui concerne la Sala, enfin, c'est ce que nous pensons, à partir du moment où on appartient à un mouvement terroriste international, il y a d'autres groupes terroristes arméniens. Il y a le Commando des Justiciers du génocide arménien, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a la Sala. La Sala qui apparemment appartient à un groupe terroriste international, ce sont eux qui le disent, ce n'est pas moi. Il est bien évident donc que lorsqu'on appartient à un mouvement terroriste international, il arrive un moment où on est amené à accomplir des actes qui n'ont absolument rien à voir avec la cause arménienne. Par exemple, les explosions qui ont eu lieu en Suisse récemment, lorsque deux militants arméniens de la Zala ont été arrêtés, qui a été revendiqué par ce mouvement, sous prétexte de faire libérer ces deux prisonniers. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Est-ce que vous adhérez à ce qui se dit là? Moi, j'ai pas adhéré. Moi, j'observe. Je suis journaliste. Oui, ça, oui, je suis pas membre d'organisation. Simplement, je pense que. Est-ce que vous adhérez à l'analyse? Est-ce qu'elle vous tient debout pour vous? Oui et non. Oui et non. Les deux personnes dont parle votre interlocuteur, Jean Altounian, c'est Onnig Altounian pour les Arméniens. C'est Alek Yenikomchian et Suzy. Je ne sais plus. Je pourrais pas vous aider, pardon. C'est Suzy après Amiens, je crois, je ne sais plus, et qui effectivement, en manipulant une bombe, eh bien, Alek Yenikomchian a perdu l'usage d'une main et des yeux, donc il est devenu aveugle. Et ils ont été arrêtés. Et puis il y a eu, en représailles, il y a eu des attentats commis. C'est vrai que ces attentats étaient forcément mal vécus par les Suisses d'abord, puisque ça se passait en Suisse, et puis un peu en Europe, parce que forcément, a priori, on pouvait se demander si les attentats étaient légitimes au sens où ça tapait la Turquie, ça tapait pas la Turquie, ça tapait les intérêts suisses. Maintenant, j'entrerai pas dans le détail, mais il y avait une rivalité entre ces deux groupes. Donc, lui représentait le parti Tachnak, dont l'affiliation, c'était le commando de. Enfin, une de ses émanations était le commando des justiciers du génocide des Arméniens dont il parle. Et il y avait une concurrence, il y avait une forme de à la fois, on pouvait dire de temps en temps des connivences, parce qu'en groupe clandestin, je pense qu'il devait y avoir des connivences, mais en même temps une forte concurrence, une compétition entre les groupes clandestins armés, à celui qui va revendiquer le premier l'attentat, à celui qui va faire le plus spectaculaire, à celui qui va faire le plus fort. Mais en gros, le commando des justiciers du génocide des Arméniens a, du début à la fin de son existence, mené que des opérations ciblées. Ça, il faut le reconnaître. Ciblé, c'est-à-dire un ambassadeur qui était assassiné ou alors un diplomate. Oui, on tue pas des civils quand rien à voir. Mais voilà, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de civils. Peut-être en Espagne, il y a eu un accident ou à Lisbonne en 83, un gardien, mais essentiellement à 99%, on va dire que c'était ciblé. Et du côté de la Zala, alors là, ça partait dans tous les sens. La preuve, la preuve est quand même. Voilà, et là, avec l'horreur d'Orly. Gaël Sémination, vous êtes citoyen français, bien sûr, votre culture est française, mais vos grands-parents, je crois, ont connu le génocide, les rescapés du génocide. Quelle est la puissance, la force de la transmission d'une histoire comme ça, de génération en génération? L'injustice. C'est tout. Et vous la ressentez vous aussi, alors vous qui n'avez pas vécu ça. Mettez-vous à la place, moi je suis français, le génocide c'est pas moi. Le génocide, c'est mes grands-parents. Mais est-ce que tu viens de dire voilà. Non, mais j'insiste là-dessus en disant que moi, je suis né en 66, je suis français, mes parents sont français. Mon grand-père s'est battu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est resté prisonnier 3 ans en Allemagne. Donc, il y a un fort ancrage dans notre pays, dans notre patrie, qui est la France. J'ai deux cultures, une culture française, européenne, et une culture arménienne. Je pense que n'importe quel Français ou Américain, Canadien d'origine arménienne vous dira à peu près la même chose. C'est l'idée de départ. Je veux dire, un Arménien, quand il naît avec l'injustice. Voilà. C'est son héritage historique. Bah, complètement. Rendez-vous compte. C'est ce que je dis dans mes différentes interventions, mais je veux le dire à vos auditeurs. En l'espace de 8 ans, 1915-1923, vous l'avez dit dans votre synthèse, 1915-1923, ce peuple est l'objet d'un triple assassinat, d'un triple type d'extinction. 1915, extinction physique. 1 500 000 Arméniens massacrés, exterminés, donc sur 2 millions d'Arméniens ottomans. 1920, l'Arménie, la République indépendante, qui porte plein d'espoir 3 ans après le début du génocide, est dévorée par les bolcheviks et les kémalistes. Donc, extinction politique. Donc, à la fois par les soviétiques et les turcs. Et les turcs. Et 1923, extinction diplomatique, le traité de Lausanne qui renverse, donc qui met fin au traité de Sèvres qui est signé en 20, mais le traité de Lausanne signé en 1923 qui donne les frontières actuelles à la Turquie, oublie dans ses conclusions le mot Arménie et la question arménienne disparaît du droit international. C'est-à-dire que vous n'existez plus. En l'espace de 8 ans, ce peuple disparaît des radars de l'histoire. 8 ans. C'est rien, 8 ans. C'est rien. C'est rien. Et aujourd'hui, heureusement, personne ne pourrait, aucun peuple, heureusement, je dis, ne pourrait disparaître en l'espace de 8 ans. À l'époque, ça se faisait, la preuve. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le système international n'était pas intégré comme aujourd'hui, la mondialisation n'était pas comme aujourd'hui, et ensuite, la Turquie qui a perdu la guerre, l'Empire Ottoman avait reconnu, il y a eu des procès contre les hauts responsables du génocide en 1920 pour les condamner à mort par contumace, mm-hmm. parce qu'ils avaient été exfiltrés de l'Empire Ottoman grâce à un coup de main des Allemands, mais en gros, la Turquie perd la guerre, mais gagne la paix. Aye. Et lorsque vous ajoutez à ça la révolution bolchevique en 17, les Européens, qui ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé en 15, au moins par leur passivité, si ce n'est leur complicité indirecte, notamment pour l'Allemagne, et dans une autre mesure l'Angleterre et la Russie, eh bien, les Européens ont pris la Turquie comme une sorte de rempart contre la contagion communiste, bolchevique, et ont fait de Kemal une sorte de gardien des intérêts Mustafa Kemal, donc une sorte de gardien des intérêts européens, puisqu'en plus Mustafa Kemal, lui qui n'a rien à voir avec le génocide de 1915, eh bien lui va prôner une politique de modernisation, de laïcisation à la Turque, je précise, et qui donc va rentrer petit à petit dans le camp occidental. Et c'est ça qui explique aussi que le système international, la communauté européenne, donc le concert européen, ont une part essentielle de responsabilité. Alors, aujourd'hui, l'actualité par rapport à cela, c'est évidemment la reconnaissance du génocide par les Turcs. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie, ce comportement des Turcs de ne pas vouloir reconnaître un siècle après? D'autres peuples, d'autres pays ont reconnu les méfaits de leur propre histoire, s'en sont sortis et sont devenus des pays. Prenons l'Allemagne, exemple typique. Et l'Allemagne a perdu la guerre et perdu la paix. Ouais, mais enfin bon, voilà. Ça change tout. Oui, ça change tout. L'Allemagne, pays hautement respecté, hautement respectable. Pourquoi les Turcs s'enferrent-ils dans cette logique-là qui les pénalise? Ça leur a coûté la candidature à l'Europe, notamment. Mais disons qu'il y a plusieurs raisons. C'est vrai que leur position est totalement grotesque, ridicule, qui de plus en plus dans le coin, dans le corner, donc, et ça devient même pathétique, leur mode de défense. Et rien n'a avancé, en plus, dans leur cause. Rien, je veux dire, sur 60 ans de contestation de la réalité du génocide, la Turquie sur ce terrain-là n'a pas avancé d'un iota. Je veux dire, l'histoire a prouvé à plusieurs reprises que la thèse des faits était réelle, c'est-à-dire qu'il y a eu un génocide, il y a eu une programmation, une intention du gouvernement jeune turc, etc. Donc, premièrement, je pense que il y a la question des réparations. Ce qui fait peur pour la Turquie, c'est si on reconnaît, on sait que on enclenche un processus de compensation de réparation. Et on ne maîtrise pas et on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Mais bon, disons que c'est une grosse raison. La deuxième raison, moi je pense que reconnaître le génocide des Arméniens, c'est déconsidérer, délégitimer leur propre révolution et leur État, puisqu'il est né sur le cadavre du peuple arménien. Je rappelle que... Il ne reste plus que 20 secondes, désolé. 20 secondes. Ouais. Alors, troisième raison, ouais. Je pense qu'il y a un rapport particulier entre dominé et dominant chez les Turcs et chez les Arméniens, vainqueur, vaincu, victime, bourreau. Et je pense que quatrièmement, ça fait 100 ans que ça dure, finalement on s'en sort pas plus mal, et est-ce que ça vaut le coup de reconnaître quelque chose. Mais je crois que l'histoire a tourné depuis quelque temps en leur défaveur, et ça, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que, en plus, la reconnaissance peut déboucher aussi sur la repentance. Mais ça, c'est... On n'y est pas. On n'y est pas. Malheureusement. Une partie de la société civile a accompli ce geste, en partie. Malheureusement, c'est la fin du temps imparti pour l'émission. Merci beaucoup, Gaït Minassian. Je vous remercie. Je voudrais juste rappeler que demain, jour de commémoration du centenaire du génocide arménien, vous pourrez retrouver Patrick Cohen pour le 7-9 de France Inter à Yerevan, capitale de l'Arménie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'attentat d'Orly perpétré par la Salah en 1983, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, ce sera au tour du peintre Yves Klein, le champion du monochrome bleu en l'occurrence.